Bienvenue à toi, ami auditeur. Tu permets que je te tutoie ? On va dire que oui. Allez, dis-moi, tu aimes les Origin Story ? Tu t'es toujours demandé comment avaient grandi les héros de ton enfance comme Pinhead ou Leatherface ? Alors tu as eu une douce jeunesse, et cet épisode est pour toi. L'attraction vedette d'un cirque itinérant, Enoch aux deux visages, interprété par Jeff Yeager, acteur de télé vu dans V, où il interprète Kyle Bates, et que l'on retrouvera bien plus tard au cinéma dans Atlas Shrugged, film d'anticipation en trois parties, adaptant le roman éponyme. Roman qui inspirera grandement le superbe jeu BioShock, mais ceci est une autre histoire. Bref, le monstre vedette est mourant. Par un heureux hasard, un homme étrange, joueur professionnel, offre à ce cirque, en échange de ses dettes, une jeune esclave égyptienne qui a été enterrée vivante pour avoir commis le crime ultime, repousser son maître. Elle va devenir la nouvelle star du cirque et ainsi remplacer Enoch. Ce dernier, mourant dans l'ombre des coulisses, va peu à peu tomber amoureux de la momie. Votre attention, s'il vous plaît! Mesdames et messieurs, approchez, préparez-vous à vous pâmer et à écarquiller vos yeux incrédules devant les monstres et les créatures les plus bizarres qui aient jamais été réunies sous une tente! Venez vous poser des questions sur la nature et sur son sens de l'humour. Venez voir de vos propres yeux les redoutables conséquences des erreurs faites dans le laboratoire de notre univers. Si vous êtes assez curieux et assez courageux, vous verrez ce qu'ont donné des unions contre nature. Monstres ou bien êtres humains, si vous êtes décidés, vous serez à la fois juge et juré. Vous verrez Fanny Laforte avec ses 220 kilos de beauté bovine. Vous serez sidéré par les Lilliputiens, la famille qui arrive à vivre dans une boîte à chaussures. Vous serez stupéfait par Crâne Pelé, le seul squelette bien vivant. Et vous resterez bouche bée devant notre vedette, l'époustouflant Enoch, un être bizarre, aussi bizarre que vous devrez vous frotter plusieurs fois les yeux avant de croire ce que... Alors, cher auditeur, je te vois déjà mort d'impatience à l'idée de connaître l'équipe technique. Il y en a un, en particulier, que l'on commence à bien connaître, le scénariste Fred Decker. Bon, je ne te le présente plus, mais sache qu'à mon sens, il est un des artisans clés des contes. Peut-être pas aussi éclatant que d'autres, mais régulier. Et son travail sur cet épisode apporte énormément à la série et sa mythologie. L'homme qui éclaire les monstres, c'est Robert Draper, un chef opérateur prolifique, qui s'est fait un nom sur des épisodes des Contes du Dark Side et qui sortait tout juste du mauvais Halloween 5 et qui ferait une belle carrière à la télé avant de revenir au Conte de la Crypte dans la version de 2019. Le musicien qui va animer ce cirque est français. Il s'agit de Michel Colombier, qui a commencé sa carrière avec Sauté, Chabrol ou encore Lautner et Melville avant d'immigrer aux États-Unis et d'œuvrer sur Le Convoi de la Peur de Fred King en 1977, Purple Rain et mon petit préféré, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet en 1986. Et enfin, le monsieur loyal de l'épisode, Kevin Yeager, le frère de Jeff qui incarne Enoch, mais surtout un maître des effets spéciaux qui a commencé officiellement sa carrière en 1984 avec Vendredi 13, chapitre final. Il a aussi participé au redesign de Freddy dans les épisodes 2, 3 et 4. Il a aussi œuvré sur Hidden de Jack Shoulder, vous savez, le réal de l'épisode précédent. Il a aussi travaillé sur Jeux d'enfants, du même scénariste que l'épisode précédent et du réal de l'épisode Le Triangle à quatre côtés, un tout petit peu avant. Bon, je te l'avais bien dit que c'était une grande famille. Je regrette, Sickles, la vie de votre gagne-pain ne tient désormais qu'à un fil et ce fil risque de se briser net très vite. Alors, pour l'amour du ciel, évitez de me dire que c'est moi qui ai besoin de vous. On l'exhibera aussi longtemps que possible, que ce soit un mois ou une semaine. Mais tant que vous resterez son maître, je resterai le vôtre, Sickles. Vous ferez tout ce que je vous dirai de faire. C'est comme ça et pas autrement. Mettez-vous ça dans la tête. And now, ladies and gentlemen, the note. Casting 1. Bon, ok, c'est plutôt faiblard. Jeff Yeager est correct, mais c'est le seul personnage existant. VF 3. Étonnamment, ou peut-être grâce au manque de personnages, elle est parfaite. Humour 1. En vérité, il y a très peu d'humour. Mais les SFX sont vraiment très bons. Scénar 2. Ben, il serait bien simple et fade sans son twist final, mais putain, quel twist! Ambiance 2. Bon, personnellement, j'aime beaucoup l'ambiance freak show, peut-être parce qu'une des membres de ma famille en faisait partie. Mais c'est très personnel comme ressenti, du coup. Réalisation 2. Bon, c'est plutôt correct, bien que ce ne soit pas son activité principale, Kevin Yeager s'en sort plutôt bien. Ce qu'il prouvera avec quelques beaux plans lorsqu'il réalisera Hellraiser 4. Bonus 1. Malgré ses qualités, je n'ai pas passé un moment exceptionnel. Ce qui nous donne un total de 12 sur 20, c'est un épisode dans la moyenne qui est véritablement sauvé dans ses toutes dernières secondes par son twist complètement méta et inscrit dans la mythologie des contes, mais qui manque clairement de rythme et je dirais de couleur. Ouais, c'est ça, il manque un peu de couleur, je le trouve terne. Voilà, mais encore une fois, tout ça, ce n'est que mon avis. Je vous invite bien évidemment à voir cet épisode. D'ailleurs, même si vous ne regardez pas tous les épisodes, autant vous dire que celui-ci, malgré sa note assez faible, il faut le voir. Je vous jure que si vous aimez les contes de la crypte, vous adorerez le twist qu'apporte cet épisode. Promis juré. Et bien sur ces bonnes paroles, hein, je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à la semaine prochaine.